En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 8e épisode. Dimanche 29 février. Week-end de garde. La vie, ça ne peut pas être le bonheur. Ça ne peut être que des souffrances et des emmerdements à n'en plus finir. Tout le monde fait semblant d'oublier que quoi qu'il arrive, vivre, c'est souffrir. Le corps sait bien mieux souffrir qu'il ne sait jouir. Combien de temps faut-il pour jouir ? Une éternité. Combien de temps ça dure ? Combien de temps faut-il pour se mettre à souffrir ? Une fraction de seconde. Combien de temps ça dure? Tôt ou tard, on souffrira, qu'on le veuille ou pas. Le corps est fait pour ça, pour souffrir et pour se reproduire. Autrement dit, pour perpétuer la souffrance de l'espèce. Ce n'est pas une conception morale, ce n'est pas une conception religieuse, c'est une réalité biologique. Mon corps souffre pour me rappeler sans arrêt que le monde est hostile, que le feu brûle les doigts, que la neige gèle les orteils, que les milliards de micro-organismes, quand ça leur prend, peuvent me coller une méningite ou une septicémie en un tour de main. Et adieu. La vie est un enfer. On ne le sait pas tout de suite. On la prend dans son corps. Allô? Bonjour, c'est le Standard 24. Excusez-moi de vous déranger. J'ai eu 4 appels pour vous, dont une visite assez urgente et 2 qui le sont moins. Allez-y. Alors, d'abord, il y a un rendez-vous, une jeune fille qui veut se faire vacciner, et je lui ai conseillé d'aller vous voir au cabinet médical. Vous lui avez donné rendez-vous à quelle heure ? 11h, ça ira. Très bien. Ensuite, il y a la visite urgente à un vieux monsieur qui est essoufflé depuis cette nuit. Il a du mal à respirer, et il est cardiaque. C'est assez loin. Ah, laissez-moi deviner, c'est à Sainte-Sophie. C'est ça. Il a appelé il y a 5 minutes, et je lui ai dit que vous iriez dès que possible. Vous avez bien fait. Alors, après, il y a une vieille dame à aller voir à Deux-Monts. Elle a des étourdissements et enfin un décès à Saint-Jacques. Ce matin, une dame que sa fille a retrouvée morte dans son lit en lui apportant son petit déjeuner. Elle m'a appelée à 7h30 pour vous faire signer le certificat d'inhumé. Mais comme ça n'était plus urgent, je vous ai laissé dormir. C'est très gentil. Je passerai là-bas en revenant des 2 premières visites, c'est sur le chemin. Et puis j'irai au cabinet médical pour le rendez-vous. Si vous avez d'autres appels, dites-leur de me retrouver à Plaix, ça ira plus vite. Très bien. Vous avez de quoi noter? Je vous donne les adresses. Bonjour madame, je voudrais une baguette à l'ancienne et 2 ou 3 croissants. 2 ou 3? Ah bien, mettons 3. Merci. Et voilà. Au revoir madame. Au revoir. Bon dimanche. Ça m'étonne de le voir aujourd'hui. D'habitude, le dimanche, il ne vient jamais. Il doit être de service. Je regarde la pendule, il est 2h15. Oui, c'est ça, il doit être de service. Je repasse dans la cuisine. Johnny pleurniche sur l'assiette que son père lui a recollée sous le nez. Je débarrasse la table. Je sais que Johnny ne mangera plus maintenant. De toute manière, il ne mange rien, ce gosse. J'arrive pas à comprendre qu'il soit pas fatigué. Avec le peu qu'il mange. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je le montre à un médecin, ce gosse. Et puis, j'en profiterai pour parler de moi et Jean-Yves. Parce que c'est quand même pas normal qu'il me fasse pas jouir quand on a des rapports. C'est pas normal qu'à peine commencé, ça soit déjà fini. Lui, il dit que c'est parce que j'ai pris du poids avec ma grossesse que ça lui coupe ses effets. N'empêche que ça l'empêche pas de s'endormir après. De toute manière, c'est comme ça depuis le début. Quand il était apprenti chez papa, la première fois on a fait ça sur la table de la cuisine un dimanche matin. Papa venait de se coucher, maman était dans la boutique. Elle m'appelait pour que je vienne l'aider. J'ai jamais eu si peur de ma vie. Mais vu le temps que ça a pris, il n'y avait pas de quoi trembler. Après, quand on allait au bal le samedi soir, on faisait ça dans la voiture. Même fiancée, mes parents ne voulaient pas qu'ils viennent me voir le soir à la maison. Alors, on faisait ça où on pouvait, même chez ses copains. Ils disaient qu'il fallait bien se connaître avant de s'engager. Et comme ça a duré jamais longtemps, je ne pouvais pas dire non. Moi, je pensais qu'en faisant ça chez nous, ça irait mieux. Mais déjà, la nuit de noces, on s'est couché tellement tard que je voulais dormir. Lui, il voulait absolument filmer ça avec la caméra vidéo que lui avaient louée ses copains de régiment. Il l'avait posée sur la table de la chambre d'hôtel pour qu'elle filme le lit. Mais comme il ne savait pas la régler, on ne voit que le mur avec une partie de chasse dessus et on entend Jean-Yves. Ah, ah, ah. Moi, j'avais trop peur qu'on nous entende, alors je disais rien. Sur le compteur en bas de l'image, ça dure 2 minutes 22 secondes. Et puis plus rien. Et après, on entend ronfler. C'était une cassette de 3 heures. Après, tout le film, c'est ça. La partie de chasse et Jean-Yves qui ronfle. Alors bon, quand je lui dis que je trouve pas normal qu'il se mette à ronfler au bout de 3 minutes, Jean-Yves dit toujours « C'est de ta faute, Marie-Claude. » D'abord, c'était parce que j'avais mes règles. Ensuite, c'était parce que j'étais enceinte. Après, c'est parce que je prenais la pilule ou parce que j'avais des kilos de trop. Moi, j'en ai un peu soupé de tout ça. Depuis qu'on a pris la boulangerie, ça va mieux. Comme il se couche à 5 heures, il est crevé, il me laisse tranquille. Sauf le dimanche soir, vu que le lundi, on est fermé. Là, je sais qu'après le film de la première chaîne, faudra que j'y passe. N'empêche qu'un jour, je devrais montrer Johnny à un médecin et lui en parler. Mais il n'y a pas de médecin tout près. Et celui de Plé, je ne l'aime pas. Il me plaît pas. La vie est un enfer. On ne le sait pas tout de suite. On la prend dans son corps. Et lorsque l'autre vient s'en mêler, s'il n'y a pas ou plus d'amour, l'enfer est double. Je sonne et j'entre. Au fond de la salle, je vois une porte fermée. Je m'appuie contre le mur. Mon cœur bat la chamade. Mes tempes me font mal. Je sais que mes lèvres ont bleui et que je suis livide. Je l'ai vu dans le regard de mes filles. Et ça siffle comme au pire moment. Il fait bon ici, c'est chauffé. Il fait doux aujourd'hui. Le soleil inonde le jardin que j'aperçois à travers les deux grandes fenêtres. Je reste debout. J'ai plus de mal à respirer si je m'assieds. Vous êtes gêné depuis longtemps ? Depuis hier. Enfin, ça fait 15 jours que ça n'allait pas. Et rien ne me fait plus grand-chose. J'ai une bronchite en plus. Asseyez-vous. Vous savez ce que c'est ? Une chambre d'inhalation. J'en ai une à la maison. Je ne m'en sers jamais. Allez, tenez, prenez plusieurs bouffées. Bien, je vais prendre la tension maintenant. Mettez-vous bien au bord du lit, on va écouter tout ça. Ça siffle moins, on dirait. C'est pas encore ça. Mais avec ça, ça devrait aller mieux. Ça doit faire un moment que vous dérouillez. Vous avez la peau très sèche. Et de l'eczéma, depuis l'enfance, sans doute ? Oui. Mais à côté de l'asthme, c'est plutôt secondaire. J'ai une terrible envie d'uriner. Ah, mais je vous en prie. Les toilettes sont à l'extérieur, sur le côté du bâtiment. Des murs blanchis à la chaux, un siège équipé d'une simple lunette plastique, des toiles d'araignée. Je pisse des litres. Il m'a prévenu. C'est un effet secondaire de l'injection. Lorsque je pénètre de nouveau dans la salle d'attente, il a laissé les portes ouvertes. Il est assis à son bureau, un grand plateau de bois peint en blanc. Et il écrit. Comment vous sentez-vous ? Mieux, bien mieux. Ça fait 15 jours que je ne m'étais pas senti aussi bien. Je préfère ça. J'étais à deux doigts de vous hospitaliser. Ah ! J'ai déjà été dans cet état à plusieurs reprises. Et je restais chez moi. Vous êtes venu tout seul en voiture ? Oui. Mais la maison est à 2 minutes sur la route de Demont. Je suis veuf et mes filles ne conduisent pas encore. Quel âge ont-elles ? 14 ans. Ce sont des jumelles. Elles vous attendent en ce moment ? Oui. Alors on va faire vite. Votre profession ? Je suis avocat. Avocat ? Et l'asthme ne vous gêne pas quand vous plaidez ? Je ne fais jamais de crise d'asthme quand je plaide. Bon. Je vais vous mettre sous antibiotiques et sous cortisone pendant quelques jours, le temps de désinfecter tout ça. Mais la prochaine fois, n'attendez pas d'être dans cet état pour consulter. J'allais si mal que ça ? Disons que vous avez bien fait de venir. Si vous recommencez à planer dans la soirée, appelez-moi tout de suite. Sinon, continuez à prendre ça bien régulièrement. Tenez. Prenez aussi ce pulvérisateur. La pharmacie de garde est celle de Marquet. Vous savez où elle se trouve ? Oui. Je connais toutes les pharmacies du secteur. J'ai jamais le temps de consulter en semaine et je me retrouve souvent dans cet état le week-end. Et ça vous gâche pas un peu vos dimanches en famille ? Oh, si ! Merci. Merci beaucoup. De quoi ? De vous avoir soulagé ? C'est mon boulot. Merci de ne pas m'avoir engueulé. J'attends toujours le dernier moment. Je me dis que ça va passer. Je vide mes pulvérisateurs, mais passé un certain point, je sais que ça va empirer. Quand je vais voir un médecin, c'est parce que je n'en peux plus. Et chaque fois, on m'engueule en me disant que je suis fou allié, que je risque de crever, que je suis un salaud de faire ça à mes filles. Je sais que c'est vrai, mais ça ne m'aide pas. Et ça ne me donne pas envie de consulter. Mais vous, ne m'avez pas fait la morale. La morale, c'est encore plus étouffant que l'asthme. Que puis-je faire pour vous, madame ? Je suis désolée. J'avoue que vous étiez de garde sur le journal et je suis venue à tout hasard. Je ne savais pas où se trouvait votre cabinet. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. À vrai dire, j'espérais que vous ne serez pas là. Quand je suis de garde, je suis obligée quand même. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, pas ici. Je pensais que vous seriez parti en visite à domicile. À cette heure-ci, c'est fréquent, j'imagine. Oui, assez. Encore qu'entre midi et deux, les gens sont souvent occupés à autre chose. Je suis venue parce que j'avais besoin de parler. Je ne suis pas malade. Enfin, pas malade comme les malades que vous voyez. J'ai un peu honte. Je me dis que je vous prends du temps. Vous n'avez pas de visite à faire ? Pas que je sache. J'en aurai plus tard, sûrement. Excusez-moi. Ça a l'air très difficile. Oui. Et en même temps, c'est à la fois tellement invraisemblable et tellement banal. Je suis célibataire. Mais c'est comme si j'étais mariée. J'ai un amant. Enfin, il n'y a que lui, je veux dire. Je n'ai qu'un homme dans ma vie. Si on peut appeler ça une vie. Et parfois, je le vois tous les jours. Et parfois, je ne le vois presque plus pendant des semaines, Il est très présent et très absent à la fois et je n'en peux plus. Parce que c'est dimanche, vous ne l'avez pas vu aujourd'hui ? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Je le vois le dimanche. Je le vois même assez souvent. Il s'arrange. Sa femme s'absente souvent. Elle ne travaille pas. Elle joue au bridge. Elle fait des tournois. Elle profite de l'argent qu'il gagne. Elle aurait tort de s'en priver. Aujourd'hui, je ne vais pas le voir. Ils sont allés dans la belle famille préserver les apparences. Un repas d'anniversaire, je sais pas, je veux pas le savoir. Et quand il fait ça, je le déteste. Je voudrais le tuer, je voudrais les tuer tous les deux, qu'on en finisse. Je la croise parfois en ville. Je la vois dans des boutiques hors de prix. Elle claque un fric fou. J'ai beaucoup de mal à pas l'insulter. Lui, il ne peut pas ou il ne veut pas partir. Je sais pas ce qui le retient. Il ne la touche plus. Ils font une chambre à part. Enfin, c'est ce qu'il me dit. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Vous avez l'impression qu'il vous mène en bateau ? Non, non. Il est trop douloureux, trop... Je sais que c'est compliqué. Il a une fille. Au début, quand nous nous sommes rencontrés, elle n'avait que 8 ans. Il ne pouvait pas partir comme ça du jour au lendemain. Elle n'aurait pas compris. Et sa femme est trop... Elle ne sait rien faire, cette bonne femme. C'est un parasite. Je crois qu'au début, il avait peur qu'elle se venge en partant avec la petite, ou pire... Et quel âge a-t-elle, sa fille ? Elle a 17 ans. Maintenant, elle va au lycée des Tourmences. Les matins, sa mère l'emmène où elle prend le car. Et les soirs, elle rentre vers 7 heures. Et comme il ne finit jamais très tôt, lui non plus, il ne la voit pas beaucoup. Mais il a le temps de vous voir, malgré tout. Oui, c'est facile. Je travaille chez moi. J'habite à la caserne, les immeubles de l'usine à Saint-Jacques. Vous connaissez ? J'ai quelques patients là-bas. Comme c'est immense et qu'il y a plusieurs entrées, il peut entrer et sortir discrètement. Et puis, ça ne paraît jamais étrange de le voir dans l'escalier étant donné ce qu'il fait. Il est représentant ? Pas exactement. Je me rends compte que c'est un peu décousu ce que je vous raconte. Et je sais bien que vous ne pouvez rien y faire. Mais aujourd'hui, je n'en pouvais plus. Vous comprenez ? Il m'a appelé tout à l'heure. Il m'appelle même quand il est dans sa famille ou chez celle de sa bonne femme. Il sort en disant qu'il va acheter le journal du dimanche ou des cigarettes et il m'appelle d'une cabine. Il me dit qu'il ne le supporte pas, qu'il n'en peut plus de faire semblant de jouer au couple bourgeois bien équilibré, belle situation pour monsieur, très belle maison pour madame, bel avenir assuré pour leur fille, que ça le fait vomir, mais il part quand même. Et quand il part, je le déteste. J'ai envie de le tuer. Je me dis que c'est fini, que je ne répondrai pas quand il appellera. Et quand il m'appelle, je décroche quand même. Et je l'entends me parler. Il est tellement douloureux. Il est... Mais moi, vous comprenez ? Je n'en peux plus parfois d'être comme ça, à sa disposition, enfermé chez moi, à attendre qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Je n'en peux plus de lui préparer à déjeuner le midi en sachant qu'il ira dîner le soir avec l'autre connasse, leur fille. Et même s'ils ne dorment plus dans le même lit, ils passent la nuit là-bas dans leur maison de petits bourgeois de merde. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Mais si je peux me permettre une question personnelle, vous avez un accent. Je suis italienne et je vis en France depuis longtemps. Et en ce moment, je ne me contrôle plus. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Il m'a appelé tout à l'heure. Ça fait 3 jours qu'il est parti. Il ne rentre que lundi. Je hais les week-ends et les vacances. Je ne prends jamais de vacances. Je n'en ai pas envie. Qu'est-ce que j'irai faire en vacances toute seule? L'été, j'envoie mon fils chez mes parents au bord de la mer. Parce qu'il était ici, c'est sinistre. Il ne veut pas y aller, mais je sais bien qu'il essaie de me consoler. Il veut jouer le petit homme, mais ce n'est pas à lui de me tenir compagnie. Il a le droit de vivre sa vie d'enfant sans jouer à être autre chose que mon fils. Il sait que vous avez un homme dans votre vie? Je ne lui ai jamais dit. Et quand Jérôme... Quand mon ami vient me voir, c'est pendant les heures d'école, ou bien c'est parce qu'il a une bonne raison de venir. Et vous pensez que votre fils ne se doute de rien? Non. Enfin, si. Il s'en doute. Je le sais à cause des réflexions qu'il fait, des questions qu'il pose. Pendant longtemps, il m'a demandé si j'aurais un mari un jour. Et je lui répondais que je ne savais pas, que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Un jour, il a dit, de toute façon, pour avoir un mari, il faut que tu rencontres un homme qui te plaît. Et ça, tu peux le faire seulement quand je suis à l'école ou quand je dors. Ça n'était pas une question. Il a dit ça d'un ton très sérieux. Et quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il n'a pas répondu. Vous savez comment c'est les enfants, ils laissent échapper quelque chose et ils se remettent à jouer comme si de rien n'était. Ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont dit si on leur en reparle. Un jour, je l'ai couché, il a demandé « Maman, quand tu auras un mari, est-ce que je pourrais l'appeler papa ?» Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Il faut que je rentre. Mon petit garçon est chez la voisine. Et son fils et le mien sont dans la même classe. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Je suis un peu gênée. Gênée? Pourquoi? Je suis venue vous prendre votre temps alors que je ne suis pas malade. Non, mais vous souffrez. Quand je sors dans la cour, je me rends compte que ma main est crispée autour de la feuille de sécurité sociale. Je réalise que tu n'as pas fait des dossiers, que tu n'as pas pris de notes, que tu n'as même pas demandé mon nom. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Et vous savez, parce que j'ai bientôt 80 ans. C'était La maladie de Saxe, de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. Huitième épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe. Et Johanna Nizard. Parce que j'ai 30 ans. Félicie Fabre. Jean-Claude Sachaud. Christina Scagliotti. Pauline Jambet. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. Bruitage. Bertrand Amiel. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Musique originale. Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Parce que j'ai 70 ans passé, mon fils me fait du... Équipe de réalisation. Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zand. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et au livre de poche.